Moi je suis mal, petit étoile. Peut-être qu'un jour nous serons loin. Tout doucement, vivant le présent, on ne peut contrôler le futur. Quelqu'un, je pense à toi, pense-y de moi, je crois que tu.